السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه هم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا شيئا من معجزات القرآن. Dans le dernier درس nous avons parlé du miracle du Coran. Tant au niveau de ce qu'il annonce et de son éloquence et de la sagesse qu'il renferme et de tout ce qu'il rapporte, et qu'il est le miracle attribué au prophète, le seul miracle qui a perduré, qui est encore présent à cette heure. Taïb. Et ce miracle est parmi les particularités accordées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-an, ça nous trouve fi Al-Iman bil-Yom al-Akhir. On va rentrer maintenant dans l'autre partie des piliers de la foi, qui est la foi en le jour dernier. Toujours en continuité du hadith de Jibril. يقول في السؤال الثاني بعد المئة، son deuxième question. ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ Donc, quelle est la preuve de la foi en le jour dernier provenant du livre. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واتمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Dans le sens où Allah dit que ceux qui n'espéraient pas notre rencontre et qui ont agréé la vie de ce bas monde et s'y sont apaisés, et ceux qui étaient inattentifs à nos versets, ceux-là leur refuge sera l'enfer pour ce qu'ils ont commis. Surat Yunus, verset 7 à 8. Donc là, le verset est clair et qui met en garde contre les gens qui ne croient pas et qui n'espèrent pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Et ceux qui espèrent la rencontre d'Allah, alors la rencontre plutôt, c'est-à-dire أجل الله لآت, que l'échéance d'Allah, c'est-à-dire le délai de cette rencontre, arrive. L'araignée, verset 5. وقال تعالى إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع. Certes, ce qui vous est promis est véridique. Et cette promesse, c'est celle du jour dernier. Az-Zariyat, verset 5 à 6. Wa qala ta'ala, inna as-sa'a la'atiyatun la rayba fiha. Certes, l'heure arrive, approche, sans aucun doute. Ghafir, créateur, verset 59. Il réalise dhalika min al-ayat. Et les versets sont très nombreux. C'était que quelques-uns. Pour montrer qu'il faut croire en cela, obligatoirement. Celui qui n'y croit pas, lui, n'est pas un croyant. قال في السؤال الثالث بعد المئة، son troisième question. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ Donc, que signifie cette foi en le jour dernier? Et qu'est-ce que cela englobe? Qu'est-ce qui rentre dans cette foi au jour dernier? Les choses auxquelles il faut croire, absolument. معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة. Déjà, c'est y croire totalement que ce jour va arriver. Cela est inévitable. D'accord, cela est inévitable. وَالْعَمَلْ بِمُوْجِبْ ذَلِكَ. Et le fait de vrai en conséquence, si tu y crois, c'est que forcément tu vas agir. Tu vas te préparer à ce jour. Les gens se préparent à plein de jours dans leur dunya, des choses qu'ils attendent et qui seront des choses qui seront déterminantes pour leur vie dans ce bas monde. Qu'en est-il du jour qui sera déterminant pour ton au-delà? Donc tu t'y prépares dès maintenant. Et c'est la chose la plus importante à préparer, c'est la mort. ويدخل في ذلك الإيمان بأشرة الساعة ومراتها التي تكون قبلها ولا محالة. Et cela englobe également la foi en les signes précurseurs de l'heure qui arriveront, et certains sont déjà arrivés. Vous savez, il y a les signes majeurs, les signes mineurs. Les signes majeurs ne sont pas encore arrivés. Les signes mineurs, beaucoup d'entre eux sont déjà passés. وبالموت وما بعدهم من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. et croiront à la mort et ce qui se déroule après cette mort, comme châtiment dans la tombe pour celui qui le mérite ou délice de la tombe pour celui à qui Allah fera part de sa grâce. وَبِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ وَخُرُوجِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْقُبُورِ également le soufflement dans la trompe et la sortie des hommes de leur tombe. وَمَا فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْأَفْزَعِ et ce qui se déroulera le jour de la résurrection et des comptes comme frayeur et comme peur dans le cœur des gens et cela sera un jour terrible et qui sera très long. وتفاصيل المحشر également tous les détails qui sont liés au rassemblement. ونشر الصحف qui sera la propagation des manuscrits. Et quand on dit manuscrit, on veut dire tout ce qui contient les actes en fait. Manuscrit en fait c'est pas trop le terme qui parce que le manuscrit à la base c'est une chose qui est écrite à la main. Les registres. Non. ووضع الموازين également la pesée des actes. وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها également le pont qui est reçu de l'enfer est traversé comme vous le savez et le haud le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'intercession وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل également croire au paradis et tous ses délices dont le plus savoureux le plus important c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala de voir son visage. وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. Également de croire en ce feu qui existe déjà. Le Jannah et le feu existent déjà. D'accord, ce n'est pas ils seront faits plus tard, ils sont déjà là. Et croire en ce feu, en ces châtiments, et le plus dur de ces châtiments, c'est le fait d'être privé de la vision d'Allah عز وجل. Si la meilleure des récompenses c'est de voir son visage, alors la pire des punitions, c'est d'être privé de cela. Plus qu'encore que de brûler au feu, d'en subir les douleurs, d'être privé de cette vision. Voilà, azza billah. Fissouel Arabia Bardelmiya. 104e question. Hel ya'lamu ahadun mata takoun as-sa'a. Est-ce que quelqu'un est en mesure de savoir quand est-ce que cette heure aura lieu? Maji as-sa'a min mafatih al-ghayb allati istatharahu Allah ta'ala. بعلمها كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Donc justement c'est savoir de l'heure, cela est une chose qu'Allah Azza wa Jal a gardé auprès de lui dans la science de l'invisible, dans le sens où il dit que Allah a le savoir de quand est-ce que sera cette heure et il fait descendre la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans le fœtus des mères, avant que le souffle ne soit inclus dans le corps. Allah Azza wa Jal sait déjà si c'est des hommes ou des femmes, ni des mâles ou des femelles. Et qu'aucune âme ne saura ce qu'elle fera demain, tout comme aucune âme ne sait en quelle terre elle mourra. Voyez, aucune âme ne sait également en quelle terre elle mourra. De base. وقال تعالى سورة لقمان verset 34. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Il a dit t'interroge à propos de l'heure. Quand celle-ci aura-t-elle lieu? Dit, ce savoir n'est qu'auprès de mon Seigneur. Et qui, justement, il cache cette information. Nul ne saura quand est-ce que ça aura lieu à part lui. Et que cette heure est alourdie dans les cieux et qu'elle surviendra soudainement. Elle viendra soudainement, c'est-à-dire personne ne s'y attend. Donc, Allah Ta'ala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنِ ذِكْرَاهَا Il t'interroge au sujet de l'heure, quand est-ce que celle-ci aura lieu. Dit, et quel savoir donc as-tu à ce sujet? Mais cela est auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa lamma qala Jibril lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbirni an as-sa'a قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Et lorsque Jibril a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'heure, quand est-ce que celle-ci aura lieu, il a dit que l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. C'est-à-dire que ni moi je le sais, ni toi. وَذَكَرَ أَمَرَاتِهَا وَزَادَ فِي رِوَايَا فِي خَمْسْ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ وَتَلَى الْآيَا السَّابِقَ. Et ensuite, dans ce même hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par contre, a informé de certains de ses signes précurseurs. طيب ثم في السؤال الخامس بعد المئة ما مثال أمارات الساعة من الكتاب. Donc il dit maintenant c'est quoi les exemples des signes précurseurs de l'heure cités dans le Coran, car la plupart d'entre eux sont cités dans la Sunna. طيب la plupart d'entre eux sont cités dans la Sunna et dans le Coran. On les trouve également certains qui sont cités de façon claire et d'autres qui demandent d'être interprété par le tafsir des salaf. يقول مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Est-ce qu'ils attendent que ne leur viennent les anges ou que ne leur vienne ton Seigneur ou certains signes de ton Seigneur. Ou certains signes de ton Seigneur. Et ce jour-là, cette croyance, lorsque ces signes apparaîtront, ne serviront à rien. C'est-à-dire, ça, c'est un verset qui vient d'informer du dernier signe, celui après lequel il n'y aura plus de foi acceptée. Est-ce qu'il y a une coupure? Donc ce signe après lequel il n'y aura plus aucune foi qui sera acceptée. Et ce signe, c'est le lever du soleil de son couchant. À ce moment-là, les gens croiront. Mais il sera trop tard. Pour eux. D'accord? Il sera trop tard pour eux. Yaqul, donc ça c'est Al-An'am, les bestiaux, verset 158. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Et lorsque justement cette heure arrivera, nous ferons sortir une bête de la terre qui parlera aux gens et qui dira que les gens certes ne croyaient pas en les versets. Et cette bête, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est. D'accord? On ne sait pas. On sait juste que c'est une bête qui sortira du sol. De la terre. Sa taille, son apparence, tout ça, cela n'a pas été, donné comme détail. Mais on y croit. Ça, c'est parmi les signes majeurs. Ça, c'est surat les fourmis, verset 82. Donc, ta'ala, hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, wa iqtaraba al-wa'du al-haq. Et également dans le sens où Allah dit justement lorsque Ya'juj et Ma'juj sortiront, ce qu'ils appellent Gog et Magog. Donc la sortie de Gog, de Ya'juj et Ma'juj, c'est parmi les grands signes de l'heure. D'accord ? Qu'ils viendront et sèmeront la destruction sur terre. et tueront tous les gens sur leur passage. Et Allah Azzawajal, au final, fera descendre sur eux comme un doud, qui est un ver, qui finira par les exterminer les uns après les autres. Il ne restera plus personne parmi eux. Et Yajuj et Majuj existent, ils sont présents, dès maintenant, dans un coin sur terre, caché. Ce qui prouve que justement, l'homme ne connaît même pas tout ce qu'il y a sur terre. Il pense avoir tout vu avec ses satellites, avec ses ce que tu veux comme moyen moderne. Et en réalité, il y a plein de choses qu'il ne sait pas. Et malgré cela, tu veux le voir, aller découvrir ce qu'il y a dans l'espace, dans notre planète. Ce qu'il y a sur terre, il n'arrive même pas à le savoir. Mais Adam les foudoul. Le savoir qui est inutile. Le savoir utile, il ne s'en soucie pas. Comme a dit Ta'ala, « Ya'lamun zahiran min al-hayati dunya hum an al-akhirati mughafilun » qui connaissent un apparent de ce bas monde, et il est par des koufars, mais qui sont inattentifs par rapport à l'au-delà. Tout ce qui touche à l'au-delà, ils ne connaissent rien. Et ce savoir-là n'est présent que chez les musulmans. Et ce savoir-là qui est le plus important en réalité. Même si tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas architecte, tu n'es pas médecin, tu n'es pas un chercheur ou ce genre de choses, il n'y a nul greffe sur toi. L'essentiel, c'est que tu sois un musulman. Que tu sois un croyant, qui croit en Allah, qui croit en ses livres, en ses messagers, en ses anges, au jour dernier, au destin, qu'il soit beau ou mauvais. Si tu crois cela, et tu agis en conséquence, tu es parmi les personnes les plus savantes sur terre. Tu es parmi les personnes les plus savantes sur terre, par rapport au commun humain. Après, les croyants divergent. Tu as des vrais savants dans le sens où ils connaissent les détails de la législation ou autre, mais ce savoir-là, de la foi concrète, il n'y a que le croyant qui l'a. Et ce savoir vaut plus que tout ce qu'il y a sur terre comme savoir. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul min afkar al-masa ou al-sabah afwan ba'd al-fajr Allahumma as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan taqabbala. Il disait: oh Allah, je te demande un savoir utile et un rizq qui est mubarak et des œuvres acceptées. Regardez les choses qu'il demandait. Un savoir utile. Les gens aujourd'hui vont apprendre des choses en profondeur qui n'en servent à rien concrètement. Ça sert pour la dunya, avoir un salaire, vivre. Mais en réalité, c'est une chose qui est futile. Ce n'est pas une chose qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui améliore leur foi et qui leur améliore leur religion. Et ils en ont fait des priorités. Dans ce dua, dans ce zikr également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande justement une substance qui soit mubarak, qui soit halal, et qui suffisent, sans demander de surplus, qui suffisent. Et également qu'il a demandé une chose très importante, que ses œuvres soient acceptées. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yata'awaz min 'ilmin la yanfa'. Également, il cherchait refuge auprès d'Allah d'une science qui ne sert à rien, justement. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui recherchent, un savoir qui leur est inutile. Inutile, qui leur fait perdre de leur temps. Dans le sens où, le peu de savoir pour leur suffire à vivre, mais ils vont trop loin, apprendre des choses qui en réalité peut-être même les oulènes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur font avoir de l'orgueil, leur faire croire qu'ils savent des choses alors qu'ils ne savent rien du tout. Taïf. Donc, le shahid, c'est que Ya'juj et Ma'juj sont présents, existent, quelque part sur terre. Et une grande communauté, c'est pas une ville ou une mégapole, c'est une communauté entière. Une communauté entière. Et pourtant, on ne les voit pas. Ya subhanallah. Thumma qal wa rattaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Là, c'est le signe de la fumée. La fumée, il y aura une grande fumée qui viendra. Également. Une grande fumée qui viendra. Après, il y a eu divergence. Certains disent qu'elle a déjà eu lieu. Mais en réalité, les signes majeurs n'ont pas eu lieu encore. Justement, c'est sourate Dukhan, la fumée, verset 10. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, car le séisme, le tremblement de terre de l'heure est une chose qui est terrible. Donc également, il y aura un grand tremblement de terre. Les tremblements de terre déjà en soi sont des signes de l'heure. Ils sont déjà en eux-mêmes des signes de l'heure. يقول في السؤال السادس بعد المئة ما مثال أمارات الساعة من السنة. Donc maintenant il dit quels sont les exemples justement des signes dans la sunna. Donc là, il va citer comme ça, sans entrer dans les, sans citer les preuves, qui sont des choses reconnues. Même nous, on va lire. On ne va pas s'arrêter à chaque hadith, mais ce sont des hadiths qui sont connus. Et pour les gens qui voudraient les revoir, ils sont présents dans des livres qui ont déjà été écrits sur les signes de l'heure. Ce sont des kutub qui ont été beaucoup traités. Ils sont d'ailleurs des sujets qui tiennent à cœur à beaucoup de gens. On dit oui, ce sont des choses importantes. Tout ce qui touche à l'invisible, c'est important, mais des gens, ils apportent trop d'importance dans le fait que c'est pour eux comme une chose. C'est comme pour remplacer les films fantastiques qu'ils regardaient auparavant, le côté invisible, le côté occulte. Et tu les vois dans les choses qui touchent à leur obligation quotidienne, ils sont laxistes. Tu veux le voir parler tout le temps des djinns, des signes de l'heure, toutes ces choses-là, et tu le vois dans sa religion, dans sa salat, négligent. Obligation, négligent. Halal haram, négligent. Mais il est attiré par ces choses-là. On dit, ahi, mets les choses à leur place, il y a des priorités. Ces choses-là sont importantes à connaître. Mais tu en as d'autres qui sont plus importantes pour toi à appliquer, à connaître. Les règles de ta salat, ta purification, ton hajj, ton jeûne, comment vivre, l'argent halal, haram, ce genre de choses. Mais ça, ils n'y prennent pas trop attention. Ils sont très attirés par ces choses-là. Et trop, plus qu'il n'en faut. Malheureusement, on peut en oublier des choses qui leur sont prioritaires. Il faut faire attention à cela. Ça, c'est Shaitan qui te fait... qui te distrait. Shaitan qui te distrait par une chose. Par exemple, s'il peut te dévier de la religion, il te fera faire passer des choses secondaires sur les choses primaires. Quand je dis secondaire, il n'y a pas de choses secondaires en religion, mais des choses qui sont moins importantes que d'autres, en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord, je corrige l'expression que j'ai employée. Il te fera t'intéresser à des choses moins importantes que d'autres, qui seront moins prioritaires sur le moment. C'est moi, Yakoul. Mith ahadith turu al-shams min maghribiha. Ou ahadith al-dabba, ou ahadith al-fitan, kad-dajjal, ou al-malahim, ou ahadith nuzul Isa. Donc là, il cite des hadiths qui parlent justement de la levée du soleil de son couchant, qui parlent justement de cette bête qui sortira de la terre, les hadiths des troubles qui auront lieu à la fin des temps, et également les hadiths au sujet de la descente de Isa alayhi salam. Isa qui va descendre, comme vous le savez, qui va revenir car il n'est pas mort. Il va revenir sous le commandement du Mahdi. Et il jugera selon la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il cassera la croix et tuera le porc. N'en déplaise au Nasara. Il viendra et désavouera le Nasara. وخروج يأجوج ومأجوج وحديث الدخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها. Et également les hadiths qui parlent justement de la sortie de يأجوج et مأجوج. Aussi les hadiths qui parlent de la fumée. Les hadiths qui parlent de cette brise qui viendra avant que l'heure n'arrive et qui prendra l'âme de tous les croyants. C'est-à-dire les croyants mourront tous avant que l'heure n'arrive dans ce bas monde. Il n'y aura que les gens mauvais sur terre. Quand l'heure va survenir en cette dunya, il n'y aura que des koufars sur terre, que les gens mauvais. Les croyants ne seront plus là. Aussi, les hadiths qui parlent du feu, un grand feu qui apparaîtra, et les hadiths au sujet des éclipses. Et les éclipses, ce sont des signes qui sont là pour nous effrayer et des signes du rapprochement de l'heure. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a eu qu'une seule. À notre époque, tous les ans, on en a au moins une. Regardez, chaque année, on en a au moins une. Alors qu'à l'avant, c'était rare. Ce qui prouve que l'heure se rapproche. ثم يقول في السؤال السابع بعد المئة. 107e question. Ma dalil al-iman bil maut. Donc maintenant, quelle est la preuve qu'il faille croire en la mort? Et ça, la mort, tout le monde y croit. C'est la chose sur laquelle il y aura unanimité chez les hommes qu'on meurt tous. Après, le divergence, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais tous les hommes savent qu'ils vont mourir un jour. Et cela devrait les interpeller à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. D'accord? Qu'est-ce qu'il en est derrière la mort? Mais t'en as, ils veulent pas savoir. T'en as qui inventent des choses. T'en as qui fuient. Qui font l'autruche, comme on dit, mais les croyants, ils savent et ils s'y préparent. Quand Allah Ta'ala, قول تتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Il a dit que l'ange de la mort prendra vos âmes, celui à qui cette tâche était confiée, puis vous reviendrez vers votre Seigneur. As-Sajda, prosternation, verset 11. Quand Allah Ta'ala, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Que chaque âme goûtera à la mort et vous serez rétribué en mesure de vos actes le jour de la résurrection. Ali Imran, verset 185. Encore le Ta'ala, les nabis disent, sallallahu alayhi wa sallam, « Innaka mayyidun wa innahum mayyitun. » Certes, tu es amené à mourir, ils mourront. Az-Zumar, verset 30.